connais un gars qui a vu la mort de près. Il roulait pas de pétard, mais faut voir ce qu'il buvait. Hier soir, comme tous les soirs, il avait pris sa caisse. Il voulait pas le savoir, il s'est retrouvé fin caisse. En très peu de temps, la soirée avait dérouillé. Un concours de picole venait de s'installer. Autour d'une table où il n'y avait que des mecs, la violence amicale s'est prouvée aussi sec. Y'a pas mort d'homme, y'a juste des dérouillés, des petits bonshommes, des hilards, des bourrés. Y'a pas mort d'homme, y'a juste des détraqués, des petits bonshommes, des hilards, des bourrés. Dans un mouvement de panique, le flot s'est enflammé. Rentré chez sa famille, il voulait se pieuter. Un pote à lui lui pique ses clés discrètement. Manque de bol, c'était pas les bonnes, malheureusement. Dans un élan de furie, au volant de sa voiture, il sillonne les champs, les prairies à toute allure. Arrivé à la ville dans un virage serré, il s'est retrouvé entre deux poubelles, rien capté. Y'a pas mort d'homme, y'a juste plus de caisse. Y'a peut-être mal donne, mais y'a nos stress. Parce que y'a pas mort d'homme, y'a juste plus de caisse. Y'a peut-être mal donne, mais y'a nos stress. Gamin aurait pu traverser au loin. Faut dire les gosses ça court pas les rues à 4h du matin. Ces deux poubelles le proprio peut les enterrer. Et puis pour deux ordures il pouvait bien se barrer. Arrivé chez lui pose sa bagnole tout en miettes. Sa petite 205 blanche qu'il adore, c'est pas chouette. Se retrouve abandonné à pied, ça le fait flipper. Mais bon, dans ces cas-là, faut bien relativiser. Parce que y'a pas mort d'homme, quand même un minimum. Mais bon, y'a plus de bagnole, un tas de ferraille s'envole. Y'a pas mort d'homme, quand même un minimum. Mais bon, y'a plus de bagnole, un tas de ferraille s'envole. Y'a pas mort d'homme, quand même un minimum. Y'a plus de bagnole, un tas de ferraille s'envole. Y'a pas mort d'homme, quand même un minimum. Mais bon, y'a plus de bagnole, un tas de ferraille s'envole. Adieu la petite bagnole, mais bon, y'a pas mort d'homme.